Radio Mont-Blanc, l'agenda. Les virades de l'espoir de retour, l'événement historique de l'association Vaincre la mucoviscidose. De retour cette année dans le but de collecter des fonds et de sensibiliser le grand public à cette maladie. 250 virades sont organisées sur tout le territoire national et la virade d'Annecy vous donne rendez-vous ce dimanche sur le Pâquier. Donner son souffle pour ceux qui en manquent, c'est le credo de cette journée. Il y a évidemment de nombreuses activités sportives et en parallèle un village convivial et solidaire sera installé sur le Pâquier avec au menu atelier créatif, structure gonflable, virade de l'espoir à Annecy, c'est pour ce dimanche. À Domancy, replongée dans l'ambiance d'antan à la fête à l'ancienne, c'est à la Tour Carrée ce dimanche, les alambics seront mis à l'honneur cette année. Venez découvrir ces trésors du passé dans une ambiance conviviale, festive et pleine de traditions. Des animations musicales sont prévues aussi toute la journée avec la présence de la batterie fanfare La Renaissance, Harmonica Savoyard et Harmonica Domancy. Vous aurez le plaisir de danser sur les accordéon de l'amicale des accordéonistes du Mont-Blanc. Et pour finir en beauté, DJ Matafan assurera la fin de la soirée. C'est dimanche à Domancy, la fête à l'ancienne. C'est à ne pas manquer.